Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, et c'est l'édition de septembre. On démarre tout de suite avec un hommage au batteur des Stones, Charlie Watts, qui nous a quittés. Un morceau progressif, et oui, les Stones ont fait du psychédélique, pas du progressif, mais on sait que le psyché était à l'origine du progressif. Dans leur album Their Satanic Majesties Request de 67, qui était une réponse aux Sgt. Pepper's des Beatles. Tout de suite, les Stones. Je me suis régalé avec le coffret de chez Esoteric, Taking Some Time On. Il n'y a que du bon son, comme on dit maintenant. Écoutez bien, Gracious, Caravan, Yes, Vandergraaf Generator, Wishbone Ash, Procolarum, tout ça de 1970. Eh bien, vous êtes gâtés, vous allez avoir un morceau de ces groupes. Et je passe sur les autres que je n'ai pas cités. Tout de suite, Taking Some Time On. think about when you pass your time? Do you have a clean mind? Would you ever help a friend of yours or mine? Do you have a clean mind? Do you have a clean mind? Who made you healthy in your body and your mind? Do you have a clean mind? Will you give some money to the church in time? Do you have a clean mind? Do you have a clean mind? Promise yourself that you will never be unkind. Do you have a clean mind? God will never try and stop you going on too far. Thank you. Thank you. vous avez reconnu Gracious suivi de Caravan. Maintenant, Yes qui sera suivi de Van der Graaf Generator, une version un peu modifiée de Refugees. We'll be right back.

On termine ce magnifique coffret avec Wishbone Ash et Procolarum. after 16 days. A mammoth task was set. Sack the town and rob the tower and steal the alphabet. Close the door and bar the gate, but keep the windows clean. God's alive inside. Run daybreak washed with sands of gladness, rotting on erotic clean windows peeped out on their neighbors inside. Voilà un bonhomme dont je n'avais jamais entendu parler, Colin Scott. Ce Colin Scott a réussi en 1971 à rameuter le gratin du progressif de l'époque, dont Robert Fripp. Et donc vous allez voir que c'est du pur bonheur. Je vous propose un extrait de ce Colin Scott, Same, réédité et remasterisé par nos amis d'Ésotérique. Good morning, Mr. Teacher, can you let me see the word? Though I'm really only questioning the truth of what I've heard. I know I'll see the light if it takes me half the night. But to talk in terms of learning would be really quite absurd. Oh, Mr. Teacher, can you let me see the world? Good morning, Mr. Captain, can you let me join the team? Though I'm feeling like a shadow in an undertaker's dream, I have to make a try, but I really don't know why. For the trophy that I'm chasing isn't really what it seems. Mr. Captain, can you let me join the team? Good evening, Mr. Bishop, can you let me through the door? Though I'm only seeking shelter from the thunder of the war. You kindly make excuses to the one who keeps the score. Oh, Mr. Bishop, can you let me through the door? And here we are. Here we are in progress and the path our feet have taken leads us on towards the moon. And here we are in progress, and our faith remains unshaken. Our salvation must be soon. And here we are in progress, and the path on towards the moon. Ah, quel plaisir de les voir à nouveau parmi nous. Je veux parler des Français de Mona Lisa. Ils sont de retour, un trio, mais pouf, ils jouent comme des dieux avec un nouvel album intitulé Vincent et Mona. Nouvel album publié par nos amis de chez Musea. Au sortir du cadre et du musée d'Orsay, Van Gogh s'en va trouver Mona Lisa. Vincent, l'homme cabossé, en a assez d'être seul et de la savoir là. la dévoyer. Son regard perçant à la dérober, Pierrot est surpris. Et ainsi, n'aurait-il pas de faux airs à Leonardo da Vinci? On continue avec les groupes français qui sont sur le retour pour notre plus grand plaisir avec Taifeng. Taifeng, superbe album intitulé Dragons of the Seventh Seas, les dragons des septièmes mers, tout de suite sur Prog à part. We'll be right back. Et hop, nous passons chez nos amis Helvet avec un nouvel album de chez Metamorphosis, I'm Not a Hero, sur le label allemand Progressive Promotion Records. Thank you. Try to be strong, try to be brave. I do my best, I try my best. I'm not a hero. Maybe I'm tired, tired to try. Try to be good, try to be fair. I do my best, I try my best. I'm not a hero. Try to believe that things can change, but it's so hard. Try to be wise, try to be kind. I do my best, I try my best. I'm not a hero. I've tried so hard, oh yes, I've tried. Tried all my life to be someone. I've done my best, I've tried my best. I'm not a hero. Oh, Coucou Daniel Gauthier, de l'autre côté de l'océan, au Canada. Eh bien, il vient de sortir un nouvel opus intitulé Altitude 16425. Altitude 16425. Et c'est de haute volée. On retrouve notamment des influences de Yes. show est fini. Les caisses s'empilent une à une, le bruit est reparti. Plus personne de couché sur les dunes, les espaces se vident, tantôt remplis de plusieurs vies. Et moi j'ai vu le vide s'installer autour de moi. Ces hommes qui rigolent, qui encore hier avaient froid, et leurs enfants qui cherchent, croyant tout perdre dans les leurs. Et moi j'ai vu le vide s'installer autour de moi. Autour de toi. Son regard tourné vers l'avenir, pointé bien haut comme le phare, et ses poings qui se serrent pour retenir quelques souvenirs. Moi j'ai vu le vide s'installer autour de moi. Autour de Un nuage quelques années. Demain le vent se relèvera et grâce à lui je comprendrai. Seul le vieillard peut s'arrêter et là je sais enfin pourquoi. Et puis on termine avec une petite pépite rare que je viens de trouver dans une brocante. Un groupe islandais, For a Minor Reflection, avec un titre imprononçable, Raitsu, et puis d'autres mots que je ne citerai pas. Un album, un premier opus de 2008, ces bougres-là avaient tourné en première partie de Sigur Rós. Et vous allez voir que c'est du post-rock de haute volée avec une forte influence, bien sûr, de King Crimson. For a Minor Reflection. Thank you. Thank you.